Ce soir j'ai pas le moral, disons triste pour abréger. Le cœur lourd de remords, dis-moi comment l'alléger. C'est toi qui m'as donné la vie, j'ai pas le quart de ton mérite. Si ton bonheur fait le mien, sache que tes larmes font mérite. Au début c'était tendu, j'étais bien loin des gosses de riz. Et toi tu faisais des heures sup pour me donner ce bol de riz. T'as jamais baissé les bras, même délaissé par la chance. Tu pleurais pas devant moi, allais t'enfermer dans ta chambre. Puis j'ai fêté mes 15 ans, j'étais con et têtu. Je parlais mal quand tu refusais de me donner des thunes. Plusieurs fois je t'ai fait du mal et je t'ai poussé à bout. Aujourd'hui quand j'y repense, je me sens honteux, j'avoue. Mais tu sais, j'ai grandi, j'ai bientôt 20 bougies. Je t'aime maman et cet amour faut pas que le bousille. Alors pardonne-moi si parfois je ne parle pas. Je fais le dur mais n'oublie pas que si tu pars, je pars. Je vous demande pardon si un jour je vous ai blessé. Si je vous ai menti ou si je vous ai délaissé. Je vous demande pardon si j'ai fait pleurer votre cœur. Si j'ai été mauvais ou même que j'ai créé la rancœur. Je vous en prie pardonnez-moi mais c'était pas volontaire. Et à chaque fois que vous avez mal c'est toute ma vie qu'on enterre. Cette atmosphère me détruit. Aimons-nous et partons. Vous êtes les femmes de ma vie, je suis venu vous demander pardon. Tu sais, j'ai longtemps attendu que tu viennes au monde. Patienter en salle d'attente, en regardant ma montre et à me demander à quoi tu ressemblerais. Je m'étais promis qu'en voyant je resterais sans pleurer. Mais c'était trop dur, alors je t'ai prise dans mes bras. Je te regardais jouer, bouger dans les draps. Et t'avais besoin de sommeil, alors je suis reparti. Ma princesse, mon soleil, c'est ma vie que t'as rebâti. Aujourd'hui t'as 6 ans, et si parfois je suis dur, c'est qu'avec toi je veux pouvoir construire le meilleur futur. Parce que tu sais, de nos jours, le respect n'existe plus. Et que je veux pas que tu tombes entre les mains des fils de pute. J'ai pas envie que tu finisses comme ces traînées que je vois. Aguicher les mecs plus vieux et traîner tard le soir. Moi je veux que tu te crées un avenir, des études et des amis. Un respect de toi-même avant de trouver un mari. Je te trouverai tout l'or du monde, tu n'es pas les mêmes vies. Et je me battrai pour toi, et ça qui t'a hilé c'est ma vie. Promets-moi de rester saine, de ne jamais être sale. Et les histoires d'un soir, de ne jamais connaître ça. Je sais t'as que 6 ans et ta vie c'est les Barbies. Mais ça passe vite et au fil du temps les principes s'éparpillent. Petite sœur je t'aime et je ne suis pas au stylo peur. N'oublie pas ces quelques mots, j'arrête parce que mon stylo pleure. Je vous demande pardon si un jour je vous ai blessé. Si je vous ai menti ou si je vous ai délaissé. Je vous demande pardon si j'ai fait pleurer votre cœur. Si j'ai été mauvais ou même que j'ai créé la rancœur. Je vous en prie pardonnez-moi mais c'était pas volontaire. Et à chaque fois que vous avez mal c'est toute ma vie qu'on enterre. Cette atmosphère me détruit. Aimons-nous et partons. Vous êtes les femmes de ma vie, je suis venu vous demander pardon. Je voulais te dire que l'amour ne m'a pas souvent souri. Que des histoires éphémères, moi j'en ai souvent subi. Alors je baisais parfois des filles parce que j'avais envie d'elles. Parce que le bruit courait qu'aujourd'hui elles sont toutes fidèles. Et puis toi t'as débarqué comme un ange tombé des cieux. Quand je te voyais j'étais gêné, sur ma vie je tombais les yeux. Parce que les frissons me montaient quand je te caressais tes doigts. Parce que la première fois que j'ai vu, moi je savais que c'était toi. Plus je voyais le temps passer, plus je rêvais de t'enlacer. J'ai tellement peur de me ramasser, j'ai mis un mois pour t'embrasser. Au début tout allait bien, on s'aimait comme des fous. La boule au ventre à la veille de chaque nouveau rendez-vous. Aujourd'hui tu me trouves distant, tu dis que tu perds tes repères. Si je suis comme ça c'est simplement, j'ai tellement peur de te perdre. Il y a quelques mois je fuyais la peine pour pas qu'elle m'égorge. Aujourd'hui j'espère vraiment que c'est toi qui portera mes gosses. Je vous demande pardon si un jour je vous ai blessé. Si je vous ai menti ou si je vous ai délaissé. Je vous demande pardon si j'ai fait pleurer votre cœur. Si j'ai été mauvais ou même que j'ai créé la rancœur. Je vous en prie pardonnez-moi mais c'était pas volontaire. Et à chaque fois que vous avez mal c'est toute ma vie qu'on enterre. Cette atmosphère me détruit. Aimons-nous et partons. Vous êtes les femmes de ma vie, je suis venu vous demander pardon. Ok. Un instructeur à la prod. Je vous demande pardon.